Au début, il n'y avait que des cailloux. Puis quelqu'un inventa la roue. Et alors, tout a commencé. As-tu entendu ce saxophone?